qui va tes yeux et ton corps à des murs infâmes, aux experts du décor. Pauvre petite, au fil des années, ta peau s'effrite, il faut t'opérer. Pas le droit d'être moche, pas le droit au gros ventre. Maintenant t'as les poches ou tes yeux bien au centre. Va te faire tes fesses après tes 40 ans. Tu ne seras plus de la noblesse, c'est un spectacle navrant. Un exemple aux femmes superbes, aux cheveux amples, aux parfums des herbes. Le long et long couloir qui te conduit à l'hospice, que tu regardes avec désespoir, ô belle actrice.